Après, sur la fin, c'est... Après, il faut aussi dire qu'il oui. Avait beau avoir des propos antisémites, il était marié avec Sonia... Sonia Green, Sonia était juive, qui était juive. Et son meilleur ami à l'époque, Samuel Loveman, était juif et homosexuel. Ah, et donc il était déjà, on était déjà dans la rhétorique « Ah, mais j'ai un ami juif !» C'était pas... Lui, il le vivait pas comme ça. Il a jamais utilisé cet argument, d'ailleurs. Mais c'était... Il était assez, assez paradoxal de ce point de vue-là. Il y avait aussi le côté... Il était plus gêné par les signes extérieurs. On avait parlé il y a quelques années de signes ostentatoires, et ça, c'est quelque chose qui le gêne vraiment. Donc c'est très compliqué. C'est quelque chose qui d'ailleurs évolue à partir du moment où il le confronte au réel. Oui. Donc c'est parce que tant qu'il est dans cette Providence, c'est quand même assez provincial. Quand il se retrouve dans la grande ville, il lui faut digérer tout ça. Et effectivement, on sent. Alors, il meurt assez jeune, à 47 ans. Mais on sent que sur la dernière partie de sa carrière, ça évolue lentement, mais ça évolue vers un peu plus d'humanisme. Mais qui n'était pas du tout au départ. Enfin, tu oui, pourras confirmer. Il évolue notamment sous l'influence d'un certain nombre de ses amis qui arrivent à le recadrer de ce point de vue-là, et avec la confrontation au réel. Quand il va en Floride ou en Louisiane, c'est il va à la Nouvelle-Orléans notamment. Bon, c'est des choses où il apprend à évoluer. Et Patrice Lunet, justement, on sent bien aussi que même dans ce côté un petit peu très réactionnaire de se retrouver dans l'idée d'un despote éclairé qui contrôlerait une société, il y a aussi chez Lovecraft cette peur de la culture qui disparaît. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les textes que j'ai pu lire. Cette idée que voilà, il y a une forme d'érudition, de culture qui est en train de, au fur et à mesure de disparaître. C'est quelque chose qu'on retrouve, un discours qu'on retrouve encore très très fort au XXIe siècle, particulièrement en ce moment en Occident. C'est-à-dire sur cette chute de civilisation. On ressent ça aussi énormément chez Lovecraft. Oui, tout à fait. C'est le monde moderne lui fait peur, en ce sens que il admire l'aristocratie anglaise du XVIIIe siècle, et le monde américain lui semble déliquescent. Il peste contre les quotas aux États-Unis parce que les étrangers vont arriver, ils vont progressivement remplacer la culture anglo-saxonne, la culture WASP dont on parlait il y a quelques minutes, et c'est quelque chose qui le terrifie parce que c'est la fin de son univers. Mais sur un point de vue intime, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, comme le disait Alex, les gens auprès desquels il va s'associer, donc il va épouser Sonia Green, qui est juive, son meilleur ami Sam Loveman est juif et homosexuel, la personne à qui il va léguer son héritage littéraire, Robert Barlow, est homosexuel aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne professe, enfin il y a une différence énorme entre ce qu'il professe d'un point de vue assez pompeux parfois dans ses lettres et dans la pratique de sa vie quotidienne. Oui, d'ailleurs, quand Robert E. Howard s'oppose à lui sur la vision du fascisme, en disant « Mais attendez, je schématise, faut pas délirer, ces gens-là, c'est pas des gentils », lui-même dit « Ah non, mais moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ce n'est pas ma vision ». Et lui, c'est vraiment une forme de despote éclairé, hein, c'est une sorte de fascisme qui n'existe pas, en fait. La correspondance avec Howard est fascinante, en ce sens que Howard est un des rares correspondants de Lovecraft à oser s'opposer ouvertement à lui après la deuxième ou troisième année de correspondance. Tous les autres correspondants de Lovecraft sont Lovecraft, tu es le plus grand écrivain de la Terre, je t'adore, tu es l'auteur préféré de Weird Tales. Howard va au contraire se confronter assez rapidement à lui et ne va rien lui laisser passer. Les échanges de lettres entre 34, 35 et 36 sont hyper violents. Et sur la question du fascisme, Howard revient sans arrêt, mais on ne sait pas puisque c'est de l'anglais, vous ne pouvez pas défendre Mussolini, c'est inconcevable, c'est un boucher, c'est un barbare, c'est un bourreau. Et Lovecraft, du coup, va s'excuser, et parfois les deux hommes s'excusent l'un l'autre de s'être un peu laissé emporter lors de leur précédent échange. Mais oui, il y a une véritable violence dans cette correspondance. François Barranger, j'ai découvert Lovecraft tout jeune avec Le cauchemar d'Innsmouth. Et c'est vrai que cette dimension de la xénophobie de Lovecraft ne m'est pas apparue. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps, justement, en retravaillant sur le personnage. Est-ce que vous, en tant qu'illustrateur, déjà, quand avez-vous découvert Lovecraft? Et surtout, est-ce que vous avez ressenti ça aussi, au fur et à mesure, en passant beaucoup plus de temps que la moyenne avec lui? Moi, j'ai découvert Lovecraft, comme beaucoup de gens de ma génération, avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, dans les années 80.

Ben en fait, je suis pas un très grand spécialiste de l'œuvre et de la vie de Lovecraft, mais mon sentiment sur la question, c'est qu'il, son style est assez unique en fait. Il a réussi à faire une espèce de synthèse de plusieurs genres qui s'est pas beaucoup retrouvé après, qui n'existait pas à l'époque et qu'on n'a pas beaucoup retrouvé depuis, qui est en fait une espèce de mélange entre un style littéraire très tourné vers le passé, presque à la limite du gothique, du roman gothique, et un intérêt flagrant pour les sciences dures qui étaient en pleine effervescence à l'époque, la physique, l'astronomie, la découverte des planètes, des galaxies, etc. Et donc ça accouche d'un curieux mélange entre une littérature fantastique dans tout ce qu'elle a de plus classique, c'est-à-dire vraiment le mystère, l'horreur, la pénombre, bon, et la science-fiction. Parce qu'il n'y a pas une once de démon chez Lovecraft. Il n'y a pas aucune allusion à la religion. On a dit qu'il était athée tout à l'heure. Il n'y a jamais donc de démonologie, d'exorcisme, de choses comme ça. Toutes les créatures sont toujours des créatures qui viennent soit du fond de l'espace, soit d'une autre dimension, qui nous dépasse complètement d'ailleurs. Et donc ça accouche quand même d'un corpus de récits qui est assez particulier, qui est assez étrange. Et en plus, qui est écrit avec un style littéraire qu'on n'a plus aujourd'hui, hein, faut bien se le dire, plus proche d'Edgar Poe que de Stephen King, et donc qui génère comme ça une espèce de je sais pas moi, d'atmosphère, de mystère profond, d'effroi, et en même temps d'excitation face à des choses qui nous dépassent complètement, quoi. Donc ça, moi, j'ai l'impression que c'est assez unique, et que c'est peut-être... Il était peut-être trop en avant sur son temps, c'était peut-être pas la littérature qu'on cherchait à l'époque, alors que maintenant, en plus avec ce côté désuet des années 30, moi qui me parle beaucoup, je sais pas si je m'intéresserai à Lovecraft si ça se passait pas dans les années 30 et si ça n'avait pas été écrit dans les années 30. Mmh. Donc c'est, voilà, il y a une espèce de mélange comme ça qui, moi, me plaît beaucoup. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Et justement, Stephen King a souvent vanté son amour pour Lovecraft. Et quand on lui demandait ce qu'il aimait ou quels récits il avait préférés chez cet auteur, voilà ce qu'il répondait. J'en aime plein. La meilleure pour moi serait La couleur tombée du ciel. Mais j'aime bien aussi L'abomination de Dunwich, Les rats dans les murs. Ce sont de super histoires. Il y en a une intitulée Le modèle de Pickman. C'est une histoire formidable. Mais avec l'âge, j'en suis venu à me dire, mais en fait, ce type est incapable d'écrire une scène. Ce passage était complètement statique. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pensé que Lovecraft était vraiment génial. Je pense que je n'avais pas encore de poils à l'époque. One more. Et on remercie Denis Deras pour la traduction en simultané de Stephen King. Patrice Louinet, c'est vraiment le jeu de rôle en fait qui a un petit peu relancé et augmenté la vente des contes de Lovecraft. Alors c'est une caractéristique que Lovecraft partage avec Howard, et ça répond aussi à la question qu'on se posait précédemment, ce qui fait qu'aujourd'hui Lovecraft est connu et que Howard, ce sont tous les deux des créateurs d'univers malgré eux, si je puis dire. Howard est connu à cause du fait de Conan, et Lovecraft est connu malgré lui à cause du mythe, du soi-disant mythe de Cthulhu, appellation que lui-même n'a jamais employée, ne voulait pas employer. Et progressivement, cette idée de Cthulhu, donc les contes liés autour de Cthulhu, a commencé à avoir une certaine popularité qui s'est développée aux États-Unis à partir des années 60 principalement, et qui a finalement essaimé au début des années 80 avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut trouver des peluches Cthulhu, on peut trouver, enfin il y a du Cthulhu en veux-tu, en voilà. Et donc, en faisant ça, Lovecraft quitte le domaine de la littérature pure pour entrer dans le domaine de la pop culture. Et encore une fois, je fais un parallèle avec le Conan de Howard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un auteur qui est stylistiquement extraordinaire comme Clark Ashton Smith, qui était un des contemporains de Lovecraft et de Howard dans Weird Tales, est quasiment oublié à part de quelques spécialistes, alors que Lovecraft et Howard sont au contraire connus du grand public. Les gens n'ont pas forcément lu les œuvres de ces deux auteurs, mais au moins leurs créations sont connues. Donc le jeu de rôle, évidemment, en 80-82, c'est pour beaucoup la porte d'entrée avec l'univers de Lovecraft. La nouvelle est taillée pour le jeu de rôle, véritablement, et ce qui fait que ça a énormément aidé, effectivement, à la résurgence et à l'explosion de la reconnaissance des gens de l'œuvre de Lovecraft. Alex Nikolaevitch. Il faut se rendre compte qu'à sa mort, Lovecraft est déjà un auteur culte, au sens que ceux qui connaissent adorent et vont continuer à propager l'œuvre. Tu parlais d'Odus Derleff, il va fonder une maison d'édition, Artyom House, qui va publier en volume toute l'œuvre de Lovecraft et puis gérer les droits. Donc dans les années 60, ce qui se passe, et de la même façon pour Robert Howard ou Tolkien, c'est l'édition en poche qui va démocratiser réellement. Alors dans le cas d'Howard, avec les couvertures de Frazetta notamment, qu'on fait beaucoup aussi pour imposer Conan dans l'imaginaire collectif, mais les éditions en poche de Lovecraft vont complètement le démocratiser. Et là, il va effectivement inspirer pas mal de gens. Mais même un auteur comme Jack Kirby, donc créateur des Quatre Fantastiques et de Captain America, était lecteur de Weird Tales. Et donc, c'est des choses qui, certains milieux artistiques dans le domaine de la pop culture n'ont jamais cessé de lire Lovecraft. Et ça s'est retrouvé aussi énormément. C'est pas pour rien que l'asile dans Batman s'appelle l'asile d'Arkham. L'asile d'Arkham, et de la même manière dans l'univers Marvel, le Shumagorath. Voilà, dans Doctor Strange. Ça, c'est une créature qui pourrait totalement être issue du folklore. C'est complètement assumé par les auteurs, oui. Et là, Shumagorath, c'est la fin des années 60, début des années 70, donc des auteurs qui ont accès, des auteurs plus jeunes que Kirby, mais qui ont accès aux éditions poche. Et ça a fait énormément, Le poche, pour le coup, a beaucoup démocratisé les auteurs de cette époque-là. Le poche et l'époque, puisqu'on est en 65 lorsque tout ça se met en place, ça veut dire qu'on est au début de l'ère du... Enfin, c'est le baby-boom, quoi. Les baby-boomers ont 20 ans, et du coup, c'est la grande explosion chez Marvel, par exemple avec Jack Kirby, Steve Ditko, etc. Et le Tolkien, Howard, Lovecraft en poche, tout ça, c'est vraiment une époque, Frazetta qui explose à ce moment-là. Il y a vraiment une période américaine entre 65 et 68 où il y a une créativité énorme sur le plan, tous les plans de la culture populaire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il a influencé évidemment tout un pan de cette pop culture, comics, jeux vidéo, cinéma. Et alors, il y a des filiations attendues, John Carpenter, Clive Barker, qui se revendiquent de Lovecraft. Mais quand on entend, ça a été le cas dans cette émission, hein, Michel Houellebecq ou Riyad Sattouf, qui est un dessinateur, mais qui lui aussi est plus est un dessinateur plus réaliste. On se rend compte que Lovecraft, en fait, arrive à faire une synthèse de deux univers qui, logiquement, se regardent un petit peu avec méfiance. En général, là, on a quand même l'auteur français par excellence, Houellebecq, de l'époque, et qui se revendique d'une œuvre qui plaît aussi énormément à la pop culture. Oui, mais Lovecraft... Excuse-moi, je ne sais pas si tu voulais... Et même avant, Cocteau a chanté l'éloge de Lovecraft. C'est de la même manière que les surréalistes chantaient Fantomas, parce qu'il y avait quelque chose qui sortait des sentiers balisés de la haute culture et qui avait suffisamment de valeur pour pouvoir redonner un peu du neuf, enfin de revivifier une culture qui sinon sentirait un peu la poussière. Je pense que des gens comme Cocteau dans les années 60, dans les années 50-60, se retrouvent là-dedans. Donc, et Houellebecq, à l'évidence, il se reconnaît dans le désespoir foncier de Lovecraft. Oui, oui. Mais d'ailleurs, à bien des égards, quand on lit certaines biographies de Houellebecq, on se rend compte que plus qu'une prophète. Oui, voilà, il y a un côté un peu fanboy de Lovecraft sur beaucoup de choses. Et alors, on a parlé de la littérature, on a parlé de bande dessinée, mais le cinéma. Est-ce qu'il y a un réalisateur dans le petit tour de table? Est-ce qu'il y a un réalisateur qui a réussi à capturer l'essence de ce que Lovecraft distille dans ses contes? Moi, j'ai un exemple que je ne l'ai pas revu depuis des années, il faudrait que je le revoie, c'est La Dernière Vague de Peter Weir, qui est un film qui, moi, m'avait semblé très, très Lovecraftien lorsque je l'avais vu. Il faudrait vraiment que je le revoie, ça fait des années que je ne l'ai pas revu, mais j'avais retrouvé dans ce film ce que je pouvais ressentir en lisant du Lovecraft. Et c'est un film qui n'est pas très connu. François Barangeret. Évidemment, comment ne pas citer Carpenter, quoi. C'est vraiment le cinéaste Lovecraftien par excellence qui passe son temps à le citer dans ses films, même parfois directement comme dans L'Entre de la Folie, à le citer indirectement comme dans The Thing. C'est ce qu'on peut trouver de mieux à mon sens, dans le cinéma de type lovecraftien, à la nuance près qu'il y a quand même chez Carpenter une tendance au gore qui est parfaitement assumée et qui est d'ailleurs brillamment exécutée. Hein, c'est jamais vulgaire, ça reste toujours élégant, même pour du gore, ce qui est quand même assez amusant. Donc il y a quand même une tendance au gore, chez, notamment dans The Thing, que moi j'ai jamais trouvé chez Lovecraft, et donc qui fait que c'est pas 100% de ce que j'imaginerais, de ce que j'attendrais pour du cinéma réellement lovecraftien. Donc pour moi, en fait, il n'y en a pas encore. Il n'y a encore jamais eu une vraie bonne adaptation. Il y a eu beaucoup de choses, notamment chez Corman dans les années 60, il y a eu des adaptations assez peu fidèles, on va dire, mais qui parfois étaient des adaptations directes, hein, Dunwich notamment. Et je trouve qu'il manque encore le grand choc cinématographique qui permettrait à Lovecraft de devenir vraiment un auteur majeur de la pop culture. Aujourd'hui, il l'est, mais finalement, il est connu par ses créations. Beaucoup de gens connaissent Cthulhu. Assez peu de gens connaissent son auteur, quand même, en général. Et donc, on connaît cet univers, notamment parce qu'il a été surexploité dans le jeu vidéo, donc on le connaît assez bien. Mais je trouve qu'on attend encore pour Lovecraft ce que Peter Jackson a fait avec Tolkien, en faisant Le Seigneur des Anneaux, trois films majeurs, très très bien réalisés, très bien exécutés, qui font que Tolkien devient, il était déjà avant, hein, mais devient vraiment un auteur célébrissime. Tout le monde connaît Tolkien, ce qui n'est pas encore le cas de Lovecraft. Mmh. Donc si demain, un Spielberg, un James Cameron décidaient d'adapter littéralement Lovecraft, de prendre une de ses histoires et de vraiment la transposer au cinéma avec talent, je gage que Lovecraft... Guillermo del Toro, je crois, s'y essaye depuis des années. Oui, mais alors ça, c'est amusant, parce que Guillermo del Toro monte ce projet depuis longtemps. Il arrive à associer Cameron à la production. Bon, c'est quand même Monsieur Avatar et Titanic, quoi. Il a Tom Cruise en star, et il n'arrive pas à monter le film. Alors que c'est pas n'importe qui. Il vient d'être oscarisé, c'est pas le premier venu, quoi. Et donc ça, pour moi, ça dénote d'un problème ultra récurrent dans toutes les sphères de la création d'œuvres d'art en général, qui est que Lovecraft est considéré comme une niche chez les décideurs, que ce soit les producteurs au cinéma, mais même les éditeurs parfois, considèrent que Lovecraft c'est une niche, c'est fait pour une espèce de bande de geeks, voire de nerds qui restent entre eux et que ça n'intéressera jamais le grand public. Ce qui est faux, regardez, là les portes sont ouvertes, c'est juste les gens qui n'ont pas voulu venir. Bien sûr. Non, mais ce qui est amusant, c'est que moi, mon hypothèse, c'est que Lovecraft est devenu massivement pop culture sans qu'on s'en rende compte. Et il a infusé progressivement, notamment à la suite de la sortie du jeu de rôle. Et que maintenant, en fait, il y a vraiment un énorme public qui est demandeur de cet univers, d'une transposition de cet univers. Et c'est dans cette démarche-là que je m'étais inscrit quand j'ai commencé à faire ces nouvelles illustrées. Et ce qui est amusant, c'est que beaucoup d'éditeurs les ont refusées. Même en France, même dans les années 2010, il y a encore beaucoup d'éditeurs qui considèrent que Lovecraft, c'est une niche, que ça ne se vend pas. Et on a démontré le contraire avec L'Appel de Cthulhu, qui s'est extrêmement bien vendu. Se peut-il que cette planète ait vraiment engendré semblable créature ? Pourtant, je les vis en un flot ininterrompu, clopinant, sautillant, coassant, chevrotant. Houle inhumaine sous le clair de lune spectrale, malfaisante sarabande d'un fantastique cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares faites de cette espèce d'or blanchâtre inconnue, d'autres vêtus d'étranges robes. Et l'un, qui ouvrait la marche, portait une veste noire épouvantablement bossue, un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête. Je crois que leur couleur dominante était un vert grisâtre, mais ils avaient le ventre blanc. Leur forme rappelait l'anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur deux pattes, tantôt sur quatre. Je fus plutôt soulagé qu'il n'ait pas plus de quatre membres. Leur voix, qui tenait du coassement et de l'aboiement et qui servait évidemment de langage articulé, prenait toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immobile était privée. Combien étaient-ils ? Il me semblait qu'il y en avait des nuées. Encore mon coup d'œil rapide n'avait-il pu m'en montrer qu'une toute petite partie. Un instant plus tard, tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement, le premier de ma vie. Eh oui, Daniel Morin ne fait pas que des blagues. Des fois, il lit lui aussi du Lovecraft. Deuxième victoire personnelle. Alex Nikolavitch, on a parlé de la bande dessinée, on a parlé du cinéma, mais il y a effectivement le jeu vidéo qui a fait exister et qui fait encore exister Lovecraft de manière très très très très forte. Et pas seulement avec des jeux estampillés, Cthulhu ou tout ça, même Resident Evil par exemple, doit aussi beaucoup de choses à Lovecraft. Enfin, c'est assez vaste dans Oui, ou Silent Hill, et les Alone in the Dark se revendiquaient plus ou moins de Lovecraft. Et puis il y a eu un Call of Cthulhu il y a quelques années aussi. Et ça s'y prête bien. Bloodborne aussi énormément. Donc ça s'y prête extrêmement bien. L'immersion du jeu vidéo est propice, et on sait créer des ambiances dans le jeu vidéo maintenant qui rendent l'immersion propice au malaise. Plus qu'à l'horreur, c'est plus le malaise qu'on cherche à faire naître, quelque chose de diffus et qui est tout à fait, qui fonctionne très bien avec les ambiances créées par Lovecraft tout au long de son œuvre. Et HBO a sorti il y a très peu de temps une série qui s'appelle Lovecraft Country, qui se voulait être un pied de nez un petit peu justement au racisme de Lovecraft dont on a parlé, avec beaucoup d'héroïnes noires, tout en s'inspirant de l'œuvre de Lovecraft. Alors là, je sais que j'ai affaire à des connaisseurs, à des puristes. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai pas vu la série. Et je n'ai pas vu la série non plus. Mais c'est déjà un indicateur. C'est-à-dire que ça vous a pas donné. Mais en fait, j'ai manqué de temps ces derniers temps. Je m'étais juré de m'y mettre et j'ai un petit peu manqué de temps. François Barger. Moi, j'avais commencé et j'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Et pourquoi justement ? Parce qu'il n'y a pas de Lovecraft. Le seul Lovecraft présent dans cette série, c'est dans le titre. Et moi, je trouvais ça au contraire très amusant. Cette idée de placer ça dans un contexte de racisme dans le sud des États-Unis, un peu à la Green Book qui était sortie quelques temps avant. D'ailleurs, le premier épisode ressemble beaucoup à Green Book. Mais en fait, dès qu'on aborde le fantastique, en tout cas dans ce que j'ai vu, moi, c'était complètement à côté de la plaque. C'était vraiment des histoires de maisons hantées, d'exorcisme, de possession, tout ce qu'on ne trouve pas chez Lovecraft. Donc moi, l'horreur cosmique, je l'attendais et je ne l'ai pas eu. Alors, j'aurais peut-être dû persévérer, peut-être que par la suite ça s'améliore, mais en tout cas sur ce que j'ai vu, moi j'ai pas trouvé ça du tout convaincant. Mais ce qui est assez, je suis moins sévère, mais je suis pas loin de partager un petit peu cet avis. Mais ce qui est intéressant en fait, je trouve, c'est de se rendre compte qu'on a peut-être retrouvé Lovecraft là où on l'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que je trouve que Lovecraft est plus présent dans Twin Peaks de David Lynch. Dans sa manière de dépeindre une petite communauté dans une ville étrange, une forêt brumeuse, et surtout une lente de descente vers la folie, que dans des séries ou des films où il y a des effets spéciaux, des effets sanguinolents et tout ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'idée d'une atmosphère qui est plus importante chez Lovecraft que dans le monstre tentaculaire qui finalement n'est pas si important que ça. Patrice Twinet ? Oui, déjà, Lovecraft de son vivant pestait contre les histoires de loups-garous, de vampires, etc., qui paraissaient dans Weird Tales. Sa fiction, elle est moderne, en ce sens que justement, il n'utilise pas ces vieux artifices déjà utilisés des dizaines de fois avant lui. Et donc, automatiquement, dans ce qu'on va trouver aujourd'hui en termes de fiction d'horreur, quelqu'un qui a prétention de faire une œuvre intéressante, originale, ne va lui aussi pas faire appel aux vampires, aux loups-garous, ou alors, quitte à essayer de renouveler complètement le genre, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, effectivement, l'ambiance poisseuse qu'on peut trouver dans un Twin Peaks, par exemple, fait éminemment Lovecraftien. Et comment on explique ce retour, mais vraiment là, sur ces deux dernières années, très très fort, de Lovecraft? Il est cité très très souvent. Qu'est-ce qui fait qu'en 2020, 2021, on se sente particulièrement Lovecraft ? Alors, déjà, il est tombé dans le domaine public. Ça joue. C'est en 2007 ou en 2008. Il est tombé dans le domaine public. Donc, ça a permis aussi de libérer un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises de retraduction. Ça a eu de gros problèmes de traduction au départ sur l'œuvre de Lovecraft. Les traductions de l'époque de Jacques Papy et autres